du 3 annonce l'arrivée imminente de la FF qui vient terroriser le marché du rap français. Pour une lutte acharnée sans pitié, nique la musique de France, un slogan. Trois jeunes fait partie du régiment. Les ondes vont en prendre un coup, la résistance débarque et nique tout. FF débarque, bordélique, l'action qui sature en concert. On s'en sort les flics, bien sûr on suit frère. On sert de mic à la guerrière, lâché dans une jungle d'acier. Parmi les plus grands carnassiers, hip-hop officier, armée clandestine, agent sous couverture. Pour foutre la pourriture sur les ondes, chasser les caves et fatigué, donc tout le monde se fout. 30 secondes d'écoute, j'ai dégoûté, j'espère muter leur piste. Pétez-leur, dis, sabotez-leur, clip pissé sur leurs lyrics. Juge PD, prends le risque, pris le ciel. Montre que t'es un homme, boy. Je voulais un boy pour rien, dis-leur le rang. Ok, toi, L-U-C-I-A-N-O, un guerrier dit plus responsable. Nique la musique par politesse, plus c'est impensable. Puisqu'on manie le mic avec dextérité, et n'écoutez-la, voilà la vérité. FF en déplacement, même le couvre-feu décrété. Mon équipe fait la différence face aux couillons et crétins. Si je rappe, c'est pas grâce au président français. Texte, et elle est cruelle, profondément pensée. Le mouvement devient grand comme l'océan, pour néant. Trop de MC suppléants, flippés enfin finissent fainéants. Je la nique la musique de la hasse, la vie. Fais courir le bruit car voilà la race. Rime et son sorti de la rue sans jouer le Kaiser. Luciano pèse la gueule des nazes, faut la Kaiser. Dédié au groupe de l'ombre, si ça te la coupe l'oncle, range-toi les ongles, le dangereux sang pousse à se ranger dans les angles. En fait j'ai pas le choix, pour m'en sortir faut que je brille plus qu'un saphir un James. Que les ladies clament ça, que les faux clament. FF proclame la vérité, rap de rue haut de gamme, triste contenu. Contenu que des gens comptent sur nous, on continue. Loin des call girls et cops, ici c'est l'agent et qu'on se moque. Comme vous on se moque des caveaux lyriques. Moi si fils à papa pour qu'il Mike n'est qu'un loisir. Y'a pas de secret, tout est parti de petites salles. Contrebandier en rime freestyle, dans la salle de ça. C'est une ordi du style Caligula. On nique la musique de France sous la canicule. À quand l'album Platinum Tune? Que je puisse dire, man, tu vois, j'ai pas fait ça que pour des prunes, la ruine. C'est la fin des 18 juin, écoute le speech. FF débarque avec des groupes de texte à Omaha Beach. Pète à pète en prime time sur chaîne musicale à Dream Team. Nique la zig de gueule, commande le verbal fou allié. Et des par des bataillons alliés, tout aimé des clips spoliés. Ce sont les sanglements des violons de vol, thème de la résistance. FFIFF, nique la musique de France. La gloire est loin, aujourd'hui j'ai la chance de dire ce que je vis. Ce qui me déplaît dans ce pays, je rembats la musique de France, méfiance, liberté d'expression. Pour quel genre de chanson, FF de Mars, mon bataillon. Une telle équipe au Hachachi, au Kani, au Fahamu. Moi, Chocho Tsao, oh my KO, trop de faux, faut rester vrai, tout se fait. Donne pas ton cul pour un peu de je comprends qu'il faut m'appeler sa fissa. Monsieur, c'est pas tout ça, on n'est pas s'arrêter indéfiniment. Raison fidèle au mouvement, éternel résistant, combattant, oh my, appel au regroupement. Fox Trot, reçu 5 sur 5. C'est pas le 18 juin, mais je réponds à l'appel. Liquide les collabos, j'ai mon fusil et ma pelle. Pour enterrer ceux qui prêchent le feu. Voilà le temps des maquisards. La famille balance le rap chaud. Fais taire les balances et les bavards. Valeur, c'est l'heure, il faut se réveiller. L'avenir n'est pas ensoleillé. Je sors du merdier marseillais pour te rayer. Nique la musique de France en beauté. Partout, tous les côtés, on souille la variété. Plein les couilles, tu sais qu'on se débrouille. FF rap vérité, ce que nos mots irritent, nous traitent de terroristes. Le droit de parler librement doit pas servir qu'aux racistes. On s'acharne à la tâche, t'as déjà pas tout vu. Parole du mec qui calce les rimes comme une clope en garde à vue d'un Joa. FF mon cœur et mon seul sale son. Devine pourquoi on s'incrusterait même dans la chanson chanson. Un coup de pied au cul, on se fait une place dans notre part dans le gâteau. Droit au but comme l'OM, nique tout à la canto. Et la FF de Mars représente la résistance. Fais courir le bruit, je nique la musique de France. C'est la fin du 18 juin, écoute le speech. FF débarque avec des troupes de texte à Omaha Beach. Pète un pète en prime time sur chaîne musicale à Dream Team. Classique de Gaulle, commando verbal, fou allié. Et des parades de bataillon allié. Tout aimé des coups spoliés. Ce sont les sanglots des violons de Paul. Thème de la résistance. FFIFF, nique la musique.